Thank you. Thank you. Thank you.

Sauve ce plan ou quoi? Laisse-moi te goûter. Bien, après on se carapote. Fais-moi douter, laisse-moi t'écouter. Viens me raconter que la terre est plate. Dis-moi que la vie est belle et je te croirai. Pour toi j'aiguiserai le fer et je le croiserai. Tant qu'à squatter ma tête, ne veux-tu pas squatter mon lit? Joli, tout au la soirée. Et y'a de la place pour toi dedans. Place pour toi, attends, mais c'est toi que j'attends. Tu sais très bien que j'attends de l'or. Et tout pour le reste, j'ai pas le temps. Attends que tu m'aimes un peu. J'ai jamais su le faire avec les mains. Va falloir que tu m'aimes un peu. Yeah. Même si je sais que la vie n'est pas un jeu, j'ai du mal à gagner malgré mes coups de blague. Que tes amis et puis je m'en fous des normes. T'es tout juste appétissante. Je suis sûr que tu penses que t'es énorme. Mais sur ça compte tes formes. Mais ton sourire m'aurait suffi, donc je le rappe haut et fort. Pas besoin d'effort pour te succomber. Appelle-moi car je suis tombé dans un puits plein de précipices avec toi. Appelle-moi, je me précipite. Où tu veux, appelle-moi. Comme tu veux prouver que tu me ressuscites. Car je suis comme mort ou sous en prise d'un sort. C'est pour ça que je te sollicite. Il va falloir que tu m'aides un peu. J'en suis le faire avec les mains. Il va falloir que tu m'aides un peu. Même si je sais que l'avenir qu'un jeu, j'ai vu mon avenir malgré mes coups de bleu. Il faudra que tu m'apprennes un peu. Pas décrocher la lune, mais tu m'as vu. J'suis gardé comme un alu, voir un alu. J'ai tellement pas tué, t'es pas sûr que j'suis là, non. Tellement pas de muse pour les factures, ça suit pas en fait. J'ai rien à type pour toi, mais c'est ça la fin. On va te surprendre à chacun de tes pas. J'pourrais me suspendre à la vie comme un Sherpa. Cherche pas à en faire pas, il faut un clapsin. avec toi, rire avec toi, sourire avec toi, bébé. Je mourrai avec toi et même après, je crois que je pourrai avec toi, bébé. Comment te dire tous mes sentiments, comment finir sous ou pas, mais sous les draps gentiment. Comment, je n'ai jamais su comment trouver le propos ni le moment. On parle d'elle-même, je te promets, ça choque personne. Je voudrais des et puis des gros. Je suis un lion, pas un chat. Si tu me vois, moi je te grrr. Je suis qu'un oneille honnête, parlant sans phonème, omette. Et en miette, je kick des sons quand ça fait sens, bah je m'arrête. Et puis je repars aussi sec. Après le litre de pastis que t'as bu sans eau, tu sais que, je traîne avec des gars plutôt foulés que fait que foca. Tu voulais nous péter les steaks et fait belek. Le billboard mic t'électrise. Le hobby de pâte te maîtrise, te méprise. Tu crises quand je te vexe, mais please, pile, pile, positif. T'en gardes la vie à l'espoir, et l'espoir fait vivre. Donc, au serpent, se mord la queue et trouve du plaisir. Et c'est peut-être temps pour toi, mon vieux, et tes goûts de périr. Écoute le délire. Next level à l'anémie, je suis tellement loin. En vrai, j'ai plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, pas de problème. Je m'enchaîne comme une idée. Formule les mots, histoire qu'ils collent à mes phonèmes.